Cher auditeur, d'ici vous parle le podcast du Créateur. Et toutes les semaines, je citerai un poste qui aura la duration de toute la semaine. Le poste de cette semaine s'appelle « La prise de connaissance du royaume » que je passerai à citer. Vraiment, je vous le dis, il y en a parmi ceux-là qui sont ici qui n'expérimenteront la mort avant que l'heure soit donnée à connaître le royaume de Dieu. Un venant en toute sa plénitude. Si cette phrase dite par Jésus se montre désajustée dans le temps et plus concrètement dans le temps dont Jésus a vécu dans la terre, ce n'est pas moins vrai que Jésus probablement s'était référé au temps de la parousse, c'est-à-dire quand il viendra de nouveau à la terre. À ce moment-là, s'élèveront les âmes mortes jusqu'à ce temps. Là et postérieure, qu'en ayant assisté à sa vie dans la terre, iront prendre la présence ainsi, en ensemble avec ceux-là qui sont vivants dans l'ère moderne, la constitution de la parousie. Ainsi, je rejoins tous les hommes pour assister à la présidence et conduite du jugement de l'homme dans le jugement dernier. Jésus, avec sa phrase, se voulait référer à un second temps que passe là, qu'il vivait, car il savait que dans ce temps-là, il irait mourir aux mains des hommes pour la rédemption de ceux-ci, y en donnant ainsi l'exemple de que le jugé passerait plus tard à juger, y en montrant ainsi que Dieu, soyant l'alpha et l'oméga dans le sens de la vie, serait aussi l'alpha et l'oméga dans le procès du jugement, un joyeux, et car Jésus serait déjà garanti la gloire éternelle. Et c'est la fin du poste de 16 juin de 2006. 16. Vous pouvez visiter aussi les deux blogs que j'ai, un dans le blog intitulé « Créateur éterne », écrit en français aussi, et d'autres dans le Facebook intitulé « Créateur éterne, le verbe », écrit en français également. Et maintenant, je vous laisse avec musique classique dans laquelle vous irez écouter d'Alexandre Scriabin, symphonie numéro 3, le poème divin, opus 43, premier mouvement.